Cette nuit vision d'horreur, j'ai rêvé que mes amis m'inscrivaient au casting de Star Academy. J'y suis quand même allé pour ne pas les vexer. J'ai fait n'importe quoi pour pouvoir être viré. Malheureusement pour moi, ils ont dit c'est pas mal. Tu as un univers, c'est très original. C'est sûr qu'ils vont pas prendre des gens qui savent chanter. C'est tellement plus marrant de les voir se planter. Là où beaucoup voyaient leur rêve s'écrouler, moi c'était mon cauchemar qui allait commencer. Non, non, non, je ne veux pas y aller et croquer mon intimité. Non, non, non, pour juste un show télé et une gloire en CDD. Arrivé au château avec tous les cobayes, apparemment choisi chacun pour un détail. Il y a une blonde, un black, un rappeur, un homo, et moi je suis sûrement le gros rigolo. Dès les premières minutes, y a déjà des disputes. Certains vont se draguer, moi je me fais déjà pfff. Le des producteurs qui se frottent les mains. Déjà les premiers plans, le feuilleton commence bien. Moi j'attends que le prime pour jouer mes chansons. Mais on m'annonce un duo avec Céline Dion. Non, non, non, je ne veux pas chanter avec elle même pour du fric. Non, non, non, en plus à la télé, même si elle chante dans Titanic. Après ce châtiment, j'ai pris des tics, c'est affolant. J'ai loin micro, quand je pousse pour faire plus pro, on comprend plus ce que je dis, mais on m'a dit que ça faisait joli. Chasser le naturel, heureusement. Il revient au galop, j'aperçois la lumière au bout du tunnel, car je suis nominé pour sortir du château. Pour sauver Jonathan, tapez 1. Pour sauver Cindy, tapez 2. Et pour Alex, tapez 3. 1, 2 ou 3 par SMS. Ce service vous sera facturé 3,95€ la minute. L'élève sauvé par le public ce soir. Allez, pas de suspense inutile. Après des larmes, de l'émotion, de la joie, cet élève est... Alex ! Il repart au château ce soir. Hein ? Mais vous avez dit sauvé ? Il n'a même pas compris. Oui, vous continuez l'aventure avec vos camarades. Oh. Non, non, non, je ne veux pas rester avec les autres empaffés. Non, non, non, en plus je suis pas payé. On est en train de m'entuber. C'est à ce moment-là que je me réveille en sursaut. À moi l'anonymat, fini la vie de château. Je peux refaire des courses sans avoir aucune honte. Je prends même du plaisir en faisant mes comptes. Mais là je m'aperçois que mes ventes sont cata. Je vends très peu de CD, je peux plus payer le loyer. La Star Academy, elle en vend des milliers. Je comprends tout d'un coup qui peut bien les acheter. Les minots de 11 ans ou bien leurs parents. Les seuls à ignorer le téléchargement. Non, non, non, je dois y retourner et troquer mon intimité. Non, non, non, pour juste un show télé, mais pouvoir vendre des CD. Oula, c'est faux ça. Tu peux pas me monter la note un peu ? Si, si, attends, bouge pas. Ah, voilà, c'est mieux là. Et tu peux mettre une deuxième voix ? Comme ça ? Et la réverb. Ah, ça pète là.